Le désert gèle sous les lumières. Chaque mot tombe, chaque souffle éclair. Aide-ce qu'il murmure son nom célèbre. Les viewers frissonnent, la glace s'achève. Ton nom se peint dans le ciel glacé. Chaque phrase m'enchaîne, chaque soufflet. Le pèse comme glace profonde. Chaque mot tranche, chaque phrase inonde. Riders qu'il charme, ses murmures serrés. Les viewers s'immergent, happés, figés. Ton nom s'imprime dans ma peau gelée. Chaque syllabe brûle. Chaque souffle est juré. Le vent arctique caresse mes veines. Chaque mot tombe, chaque souffle m'enchaîne. Riders qu'il règne, sa voix m'obsède. Les viewers succombent, happés, possédés. Ton nom résonne. Rains consuming all. Tes mots s'élancent comme éclats d'étoiles. Chaque phrase brise, chaque souffle dévoile. Riders qu'il charme, son nom m'attache. Les viewers tremblent, happés sans relâche. Ton nom caresse mes lèvres. Son nom s'impose, les viewers s'illuminent à peine morose. Ton souffle gèle, ta voix m'attache. Chaque syllabe serre, chaque mot s'arrange. Lorsqu'il charme, son nom demeure. Les viewers frissonnent, guidés par son ardeur.